Thank you. Saturé, certains ne demandent même qu'à manger. Épée, épée, portefeuille. Épée, épée. On sent. Épée, épée. épée. Qu'il te parvienne. Tu sais, tu le sens. Le scrupule. Tu le sais. Tu le sens. Tu consens. Dans la chaussure, j'ai le petit caillou. Petit caillou, j'ai dans ma songe. Petit caillou, j'ai du sang. Dans ma chaussure, j'ai petit caillou scrupulé. Dans ma source, assurément. Tu le sens. Chaussure, j'ai. Tu le sens, mais. Qu'on sent bien. Je veux pas que tu sois content, pourtant. Tu t'en contentes. C'est pas que tu sois content pourtant. Pourtant on est en contente. Tu t'en contentes. Tu le sens. Pourtant. Tu le sais. Tu le sens. Tu consens quand pourtant. Tu le sais. Tu le sais. Argent comptant, compter, on t'est content. On t'a demandé de payer, content, t'es content, pourtant t'es. Sans capital, et tu crois faire tourner la machine. Y'a une partie de Monopoly et qui te fait rêver. Sans capital, tu crois que tu fais tourner la machine. Caution populaire. Tout le monde le doit en l'air. Conscient, content, tu fais tourner la machine. Content, pourtant tu sens. Le vent a tourné. Le vent a tourné. tourner. Thank you. Thank you. Plus fort, Yann, on t'entend pas. Thank you. heureux quand même de partager des sensations. Dans ce moment où on veut nous atomiser. Nous distraire du vivant, nous désarçonner. Nous déconnecter de nos sensations. Organisé, ayant fait le contrôle technique de leur tapis volant, ils sont partis. Ils reviendront peut-être pas. De la géopolitique, arrivant sur un hub stratégique, le goéland amène une bonne nouvelle. We'll be right back. mes amis gaulois. Saturer les câbles océaniques. bon réglage, je pense. Mon micro est vraiment... Thank you.